بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن نستأنف اليوم هذه الدروس في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Aujourd'hui donc nous allons reprendre, on va continuer les cours dans l'explication du livre « Les fondements de la foi » de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. « Wa la yazalul kalam fi abwab ou fi l'abwab al-muta'alliqa bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tamassuki biha. » On continue à aborder le sujet des chapitres qui concernent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de s'accrocher à celle-ci. L'auteur qui nous dit Rahimahullah Walil Bukhari An Abi Hurayrata radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man aba qala man ata'ani dakhala al-jannah وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارِ أَوْ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Et l'auteur qui nous dit donc dans le recueil d'Al-Bukhari, Sahih, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui refuse. » Il dit « Mais qui refuse ? » Qui refuse d'entrer au paradis ? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit rentre au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. Ayyuha al-ikhwa yatabayyanu min hadha al-hadith, anna alladhi yuridu al-janna alayhi bi ta'ati al-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Au cherchant, il apparaît clairement de ce hadith que celui qui veut le paradis, il doit obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وسلم وهذا الحديث دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبب لدخول الجنة. Et ce hadith est une preuve qui montre que l'obéissance au prophète صلى الله عليه وسلم c'est une cause qui permet d'entrer au paradis. وَأَنَّ مَعْصِيَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبَبٌ لِلْحِرْمَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَلِلْدُخُولِ فِي النَّارِ. Et on comprend de ce hadith que le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une cause qui entraîne la privation du paradis et le fait de rentrer dans le feu. Fait كيف تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة وهذه الأهمية؟ Comment se fait-il que l'obéissance au prophète صلى الله عليه وسلم ait cette si grande importance en islam, à tel point que celui qui désobéit au prophète, ceci est une cause de privation du paradis. Comment cela se fait-il? لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي طاعة لله. Car le fait d'obéir au prophète صلى الله عليه وسلم en réalité c'est le fait d'obéir à Allah تبارك وتعالى. Allah تبارك وتعالى qui nous dit من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au prophète aura obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li yu'lam ayyuha al-ikhwa anna ta'ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa fi ma nakhtaruhu nahnu. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépend pas de ce que nous choisissons. Kama annaka tadkhul fi supermarket wa takhtar. Comme lorsque tu rentres au supermarché, tu choisis أنت تريد هذا ولا تريد ذاك وتأخذ هذا Et donc tu prends ça, tu le veux, l'autre tu le veux pas, ça tu prends, tu compares, tu dis ça j'aime bien, ça j'aime pas. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous disent les ulama, hadha fi kulli saghiratin wa kibira. Dans tous les sujets, grands et moins grands sujets, nous devons obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرنا بأمر ننظر في هذا الأمر. Par contre, toute personne qui est en dessous du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il nous ordonne quelque chose, alors on regarde cet ordre. فإن كان موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه. Si cet ordre est en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on est avec lui. Et sinon, non. فَلَيْسَ فِي دِينِنَا بَابَ. Il n'y a pas dans notre religion, il n'y a pas de pape. Hein? Celui dont sa parole est une parole canonique. بِمَنْزِلَةِ الْوَحِي. Au même rang que la révélation. À chaque fois que les gens se convertissent, je leur répète et je leur répète ça pour qu'ils comprennent bien. La hoja ekul imam bi kaulin yunzar fi hadha al kaul akana muwafiqan li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'imam vient avec un avis, avec une parole, on regarde si celle-ci est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yanbaghi an yakuna al-mar'u bayna yaday shaykhihi kal-mayyit bayna yaday mughassilihi. Et il n'est pas convenable, il n'est pas acceptable que l'individu se comporte avec son cheikh, son enseignant, de la même façon que le mort est avec celui qui lui fait le lavage mortuaire. Ça veut dire quoi? Le mort, comment il est avec celui qui lui fait le lavage mortuaire? Il obéit à tout. Le mort, il n'a pas le choix. Celui qui lui fait le lavage mortuaire, il décide qu'on va commencer par tel bras, on commence par tel bras, un point c'est tout. Il décide qu'on met l'eau à telle température, on met l'eau à telle température, un point c'est tout. Le mort, il n'a pas le choix. Il n'est pas convenable que l'élève soit comme tel avec son enseignant. L'élève ne dit pas oui à tout. Attention! Attention à l'exagération dans laquelle sont tombés certains soufis. Et donc il n'est pas convenable, chers frères, qu'on exagère comme cela. L'enseignant, il donne son avis, etc. Nous regardons si cet avis est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit wa lahuma. Et donc rapporté par les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. An Anas radiyallahu anhu. Selon Anas radiyallahu anhu, قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Et donc Anas dit que trois individus sont venus, sont allés voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé concernant l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque l'information leur fut donnée, le prophète il fait comme ci, comme ça, etc. Lorsque l'information leur fut donnée, ils dirent. Et donc c'est comme s'ils ont rabaissé cela, ou comme s'ils ont jugé que c'était peu. ils ont jugé que c'était peu. Alors ils dirent, mais qui sommes-nous à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Ses péchés lui ont été pardonnés. Nous ne sommes pas en cette situation. C'est pour ça que le prophète, il en fait peu. Il en fait peu parce que ses péchés lui ont déjà été pardonnés. Mais nous, non, on n'a pas la même situation. Ils ont fait un ijtihad. فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا. L'un d'entre eux, il a dit, me concernant, je vais prier toutes les nuits. Et je vais prier Abadan, c'est-à-dire toute la nuit. Je ne vais pas dormir la nuit. Je vais prier. وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر. L'autre qu'il a dit, moi je vais jeûner tous les jours et je ne vais pas rompre. Je ne vais pas rompre durant la journée, je jeûne tous les jours. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Le troisième il dit, moi je délaisse les femmes et je ne me marierai pas. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ou alors avant ça même, dans une autre narration, il a été cité, وَأَنَا لَا أَكُلُ اللَّحْمُ. Moi, je ne mangerai pas de viande. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il est venu et il a dit, أَنْتُمُ الَّذِينَ كُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. C'est vous qui aviez dit telle et telle parole. Ama wallahi, inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, certes, moi, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah, el-khashya, la crainte avec la science. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaît plus Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah. Et je suis celui d'entre vous qui a le plus de piété envers Allah. Cependant, moi, je jeûne et je me nourris. Je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Comme on a vu au Sherka, ce hadith, il est dans Sahihayn. Fait yatabayyanu min hadha al-hadith ayyuha al-ikhwa anna sunnat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hiya as-sunnatu as-samha. Et donc on comprend clairement au Sherka de ce hadith que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna qui est la sunna d'aisance. Wassuhula, la facilité. Allati laysa fiha tashaddud. Cette sunna dans laquelle il n'y a pas de difficulté, d'exagération. Wala roulou. Il n'y a pas d'exagération dans cette sunna. Wala tatarruf. Il n'y a pas d'extrémisme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma anna laysa fiha tasahul. Et malgré cela, cette sunna, il n'y a pas dans cette sunna donc de tasahul, de négligence. Mais cette sunna, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Bila ifratin wa la tafrit. Sans exagération ni négligence. وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء لغلوهم ولكن لا يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعب في العبادة. Vous remarquez que le prophète صلى الله عليه وسلم il a reproché, il a fait le reproche à ces gens-là, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se fatiguait pas dans l'adoration à Allah تبارك وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم غفرت له ذنوبه. ses péchés lui ont été pardonnés. فَكَانَ يُصَلِّ بِالْلَيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرْ قَدَمَاهُ. Il pria durant la nuit jusqu'à ce que se fendent ses pieds. Aïcha radiallahu anha, qui disait, لِمَا تَسْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Pourquoi est-ce que tu fais cela, ô messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il disait sallallahu alayhi wa sallam, أَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Ne puis-je pas être un serviteur remerciant son Seigneur? Et donc certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé l'adoration. Et ceci est le juste milieu. Ceci est le juste milieu que nous devons tous suivre. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Aïe Adlan, certes nous avons fait de vous une communauté juste, du juste milieu. Nous ne devons donc pas avoir de négligence ni d'exagération. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana atazawwaju an-nisa hadha la yadullu ala anna al-mar' yakhtaru al-mar'a limata'iha wa lijamaliha ولحسنها فقط وإنما يختار الزوجة الصالحة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'il se mariait avec les femmes, cela ne veut pas dire que tu vas choisir ton épouse à cause des délices, à cause de sa beauté, mais tu vas la choisir aussi et surtout pour sa religion, sa piété. Rappelez-vous le hadith الذي أخرجه مسلم rapporté par مسلم selon Abdullah ibn Amr qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit الدunya mata' la dunya est un délice wa khayru mata' الدunya al-mar'atu saliha la vie d'ici bas est un délice et le meilleur délice de la vie d'ici bas c'est la femme pieuse. Et donc tu choisis cette femme pour sa piété. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. À notre époque, beaucoup ont du mal sur ce sujet. فَمَنْ مَالَ إِلَى التَّشَدُّدْ وَحَرَمَ نَفْسَهُ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الرَّاحَ. Et donc celui qui penche vers la dureté et la difficulté et qui se prive de ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a légiféré, tel que le repos, celui qui va exagérer, فَكَدْ تَرَكَ سُنَّةَ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِنسَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَدِلْ. Il y a dans ce hadith le fait que l'être humain doit être juste envers lui-même. يَأْخُذُ مِنَ الدِّينِ مَا يَسْتَطِيعُ. Il prend de la religion ce dont il a la capacité. Attention, ça ne veut pas dire que concernant les obligations, tu choisis ce que tu veux. Non, tu as les obligations, tu les fais. En dehors de cela, tu choisis ce dont tu as la capacité. لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَسْتَكْمِلَ الدِّينَ كُلَّهُ. Aucun d'entre nous ne peut prendre toute la religion. Aucun d'entre nous ne peut faire tous les jours de jeûne, etc. Ne peut prier toutes les nuits, toute la nuit, etc. etc. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu fais talab al-ilm, tu fais ci, tu fais tout. Tu ne peux pas. Et donc tu choisis ce que tu as la capacité de faire. Voilà au col, même si c'est peu. Même si c'est peu. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qol ahabbu al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Les meilleures, les œuvres les plus aimées d'Allah, ce sont celles qui perdurent le plus, même si elles sont donc peu nombreuses. Tu ne fais pas beaucoup, mais tu le fais tout le temps en continu. C'est mieux que d'en faire beaucoup et de s'arrêter par la suite. وقد أخرج مسلم وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans Sahih al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, certes, la religion est une facilité. Yusrun. Toute la religion est une facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée. Et aucun d'entre vous ne choisira la dureté dans la religion sans que celle-ci n'ait le dessus sur lui. Alors agissez correctement et efforcez-vous de faire ce qui est mieux. Et abshirou, c'est-à-dire donc, ou bashiroukoum, c'est-à-dire espérer la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu ici, c'est la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport aux œuvres que vous faites, même si elles sont peu nombreuses. Wasta'inu bil radwa, et aidez-vous de el-radwa. El-radwa, c'est quoi? C'est le moment où le voyageur va partir, c'est tôt le matin. C'est tôt le matin, el-radwa, c'est lorsque le voyageur, il part tôt le matin. War-rawha, c'est lorsque le voyageur, lorsqu'il voyage, donc après el-zawal, après le déclin du soleil. Wa shay'in min ad-dulja, c'est-à-dire c'est le moment où donc c'est le fait de voyager en fin de nuit. Et en fait, ce qu'il nous montre ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est le fait de profiter de ces moments-là. Tôt le matin, après le déclin et en fin de nuit. Profitez de ces moments-là parce qu'en général, ce sont les moments où on n'est pas occupé. En général, ce sont les moments où on n'est pas occupé. Très tôt le matin, tu n'es pas occupé, profite de ce moment-là pour faire tes actes d'adoration, surérogatoire, talabul ilm, réviser le Coran, apprendre la langue arabe. Après le déclin, c'est le moment où les gens sont en pause. Tu te poses un peu et tu, donc, révises, tu fais des actes d'adoration. En fin de nuit, même chose. Et donc, nous devons profiter de ces moments-là où, en général, nous sommes libres pour nous adonner à l'adoration. Ibn Hajar, rahimahullah, il a fait l'explication de ce hadith dans Al-Fath. On va voir un petit passage, inshallah ta'ala. Il nous dit, rahmahullah, wal ma'na, et la signification. La yata'ammaq ahadun fil a'mali ad-diniya wa yatruk al-rifq illa ajaz wa nkata'a fa ghulib aw fa yughlab. Personne n'exagère. Aucun exagère dans les actes religieux en délaissant la douceur, la facilité, sans que par la suite ils ne puissent pas continuer et qu'ils s'arrêtent et qu'ensuite il est vaincu. قال ابن منير ابن منير الدين في هذا الحديث علم من أعلام النبوة. Il y a dans ce hadith un des signes de la prophétie. Le prophète, il a annoncé quelque chose qui est arrivé par la suite. Il dit فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع أو أن كل متنطع في الدين ينقطع. Certes, nous avons vu, et autres que nous ont vu, que tout exagérateur dans la religion, il s'arrête. Il a exagéré, et ensuite, il a arrêté. وليس المراد من طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة. Et il n'est pas voulu ici le fait de rechercher ce qui est plus parfait, ce qui est mieux dans l'accomplissement des actes d'adoration. Il n'est pas voulu ici le fait d'empêcher cela. Car le fait de rechercher ce qui est mieux dans l'adoration, c'est louable. Bel men'ul ifradi. Ou même nam. Bel men'ul ifradi. El mu'addi ilal malal. Ou ilal milal. Ce qui est voulu ici, c'est le fait donc donc d'interdire l'exagération qui va entraîner la lassitude. Ce n'est pas le fait de rechercher ce qui est mieux qui est interdit, qui est blâmable. C'est le fait d'exagérer à tel point que par la suite, tu es lassé. وَلَيْسَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّطَوُّعِ المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة. Il dit ou alors donc. Ce qui est voulu ici, c'est le fait, dans ce hadith, c'est le fait d'empêcher toute exagération qui va entraîner la lassitude, ou alors l'exagération dans l'acte d'adoration surérogatoire qui va entraîner le fait de délaisser ce qui est mieux, ou alors le fait de faire sortir la prière obligatoire de son temps, comme celui qui va rester éveillé toute la nuit, se battre contre le sommeil, jusqu'à ce que ses deux yeux vont avoir le dessus sur lui et qu'il dorme en fin de nuit pendant la prière du subh en groupe. Ou il a an kharaja waqt al-waqt al-mukhtar, ou alors jusqu'à ce que sorte le moment préférable de l'accomplissement de la prière. Ou il a an tala'at ash-shams fa kharaja waqt al-farida, ou alors à tel point que le soleil soit levé et que le moment de l'accomplissement de la prière obligatoire soit terminé. Et donc ce qui est voulu dans ce hadith au Cheikh Afkar, c'est le fait de ne pas tomber dans une exagération qui va te faire délaisser des actes obligatoires ou qui va te faire délaisser ce qui est mieux, ce qui est préférable. Il n'est pas voulu par ce hadith le fait de délaisser ce qui est mieux, le fait de délaisser le fait de les efforts. Il n'est pas voulu ici le fait de délaisser les efforts dans l'adoration. Car ça, c'est louable. Le prophète, il a fait des efforts dans l'adoration, les compagnons l'ont fait. Mais chacun regarde en fonction de sa capacité. Barakallahu fikum. Et enfin, pour finir, vous avez pu constater dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donc conseillé certains moments pour les actes d'adoration pour nous faciliter notre organisation. Et il a utilisé des termes qui, en général, sont abordés, sont utilisés pour les voyageurs. Il a utilisé des termes qui sont utilisés pour les voyageurs. Certains savants, ils nous disent pourquoi cela. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الدنيا في الحقيقة هي نقلة. Safar min ad-dunya ila al-akhirah. Ils nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion ici au fait que la dunya, en réalité, c'est un voyage. C'est un voyage d'ici-bas vers l'au-delà. Ce n'est qu'un voyage. Et donc, nous ne devons pas accorder une grande importance à cette dunya, car nous savons que nous n'allons pas y rester. Alors, concentre-toi sur la demeure dans laquelle tu vas rester éternellement. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.